Ouais, donc Peter Sloterdijk, moi je l'ai découvert un petit peu d'abord en vivant en Allemagne, comme c'est un personnage quand même assez présent dans les médias. Voilà, il anime des émissions de télé, il commente l'actualité, etc. Donc c'est un personnage déjà qui est assez présent comme ça. Et ensuite, j'ai d'abord. Je suis tombée sur son. Sur cette dimension-là du Thanatotop qui m'a parlé, puisque j'étais en train de travailler sur un cimetière déjà, donc en Allemagne, pour mon projet de fin d'études. Et du coup, voilà, il a été un petit peu présent d'abord comme ça, sans que j'approfondisse trop, mais cette idée de la dimension de la coexistence avec les morts, du fait que les morts sont présents finalement de partout, enfin, cette coexistence s'appuie éventuellement sur des espaces, sur des objets, sur des choses comme ça, mais elle est beaucoup moins nette et claire qu'elle y paraît formalisée dans l'espace, dans ces cimetières, clos de murs, etc. Donc voilà, puis je trouvais cette dimension, si on regarde sur des petits schémas, qu'elle est souvent justement très très diminuée, très atrophiée, elle est invisible en fait, cette coexistence avec les morts, alors que qu'elle prend place quand même dans l'espace d'une manière ou d'une autre. Donc ce que j'avais envie de comprendre un peu mieux, c'est pour ça aussi que je me suis lancée du coup dans cette thèse, parce que j'ai fait un projet d'architecture d'un cimetière que j'imaginais différent, en me penchant sur les nouvelles pratiques, etc., mais sans plein de données qui me manquaient. Je sentais bien qu'il fallait que j'arrive à étayer un petit peu plus mes choix, qui étaient plutôt intuitifs. Et du coup, c'est pas pour ça que je me suis fait bien replonger dans Sloterdijk pour ma thèse, mais finalement je suis revenue à lui par un entretien avec une dame qui avait perdu un enfant petit, 3-4 ans, et qui me raconte son expérience de la visite du cimetière. Et elle parle à plusieurs reprises de la bulle. Pour elle, c'est vraiment un moment, enfin c'est un espace et un moment bulle avec des caractéristiques que je trouvais intéressante qui m'ont interpellée. Je trouve que ça rebondissait donc avec la manière dont Sloterdijk essaye de décrire, enfin, comment il relie les expériences aux espaces, enfin, quelque chose qui serait de l'ordre de la spatialité d'une bulle ou de comment aussi ces bulles individuelles forment des écumes. Voilà, donc c'est un peu. Et puis le lien avec les ambiances, bien sûr, qui est intéressant aussi à creuser, mais bon, c'est plein de questions et j'avoue que. Voilà, c'est un peu le bazar, mais je vais essayer d'en parler. Peut-être je vais lire un petit peu l'entretien, de voir comment. Elle vient à parler de cette bulle qui finalement se crée sur ce moment-là de visite au cimetière. Donc je vais essayer de le lire. Voilà. On y va souvent en famille, on se sent bien là-bas, il y a une énergie bonne. Comme si on était ensemble, c'est le seul endroit où on est ensemble. C'est apaisant d'être là-bas, nous on aime bien s'asseoir sur les tombes voisines. On arrive comme si on entrait dans le salon de quelqu'un. On s'assoit sur la tombe d'en face. On se dit, pourvu que les gens ne viennent pas au même moment que nous. On regarde ce qui a changé, on enlève 3 mauvaises herbes, des petites choses. Jules, qui est le frère, il est à fond, il arrive avec ses petits outils, il fallait creuser, il aime bien bricoler. Il aime bien chercher son prénom. Pour lui, c'est un lieu plutôt gai. Il court dans les allées, ça nous fait rire. Il y a un côté joyeux, comme on est tous ensemble. On aime bien se retrouver, chacun. D'ailleurs, mon mari y est allé hier matin, on se le dit pas. Pas besoin, on a besoin d'aller tout seul un temps. Mais c'est hyper important d'avoir ce lieu, même si moi je ne peux pas l'investir. Au début, notre idée c'était d'en faire un jardin. Mais bon, moi je ne pouvais pas imaginer manger les fraises d'Arthur avec le jus. À l'idée de faire quelque chose qui a de la vie en tout cas, qui vive, c'était la première idée. Moi ce qui me fait du bien, juste assise. Il faudrait pouvoir s'asseoir dans ce lieu, il faut être assis, il faut vraiment que le corps se repose. Donc il y a cette idée du repos du corps, hein, parce que debout on est en tension, etc. Je vais passer un petit peu là. C'est une charge émotionnelle, c'est pas un lieu, l'idée c'est d'être avec lui. Je pense aux gens, moi j'aime quand il y a des gens dans, j'aime pas quand il y a des gens dans l'allée. Je trouve que c'est tellement quelque chose de personnel, moi ça me dérange pas de pleurer devant tout le monde, mais c'est une question qu'on est ensemble, pour moi c'est une bulle. Et d'un seul coup, il y a un mec qui passe avec un arrosoir, je le connais pas, il ne fait pas partie de ma bulle. D'ailleurs, on n'y va pas du tout les week-ends, on y va des horaires, ça tombe bien, on se croise pas trop. Ou les gens sont pas trop dans notre allée. Moi je trouve, parce que c'est un endroit vide, le cimetière est grand, il faut déjà y aller. C'est calme, il n'y a pas trop de monde, on est en dehors de la ville. J'ai pas l'impression d'être à Grenoble, je ne vois plus les autres tombes. Il y a un côté petite bulle. Ce recueillement, moi je le vis parce que je me trouve en lien avec lui. Parce que son corps est là, peut-être qu'un enfant, le corporel m'a beaucoup manqué. Il était tellement petit, il y a quelque chose dans le câlin, dans le rapport au corps avec un bébé qui fait que j'en ai besoin. Ce recueillement, je le vis tout le temps là-bas. Si ça peut être devant la mer, des endroits comme ça apaisants, en haut d'une montagne, ça marche aussi. Comme quand tu regardes un beau paysage, d'un seul coup ça devient calme. Ça me fait pareil. Si je regarde un coucher de soleil, une belle vue, il y a quelque chose d'un intérieur qui est calme. Et pas chez moi, ça serait plutôt de l'ordre des souvenirs, par rapport au manque, aux choses qu'on n'a pas pu vivre ensemble. Aussi aux souvenirs de moments joyeux. Mais ce calme intérieur, ce vide dans le bon sens, enfin, ça se calme à l'intérieur. D'habitude, ça bouillonne ou ça refroidit beaucoup, mais c'est pas calme. Voilà, comment elle parle de, en tout cas, du rapport spatial à ce, comment elle arrive dans cette bulle là. Et puis elle en parle aussi de manière temporelle. Elle dit on aime bien mettre de l'encens. C'est toujours pareil pour apaiser les odeurs, mais aussi l'encens ça a un début puis ça a une fin. On peut partir quand tout est brûlé, ça donne une temporalité. Parce que la temporalité dans le lieu, c'est important. L'idée, c'est comment partir. C'est pas évident d'en partir, parce qu'on est dans une bulle, on est bien. Et en même temps, il y a quelque chose, on se rend compte d'un seul coup qu'on est assis sur une tombe, on est en train de regarder de la mauvaise herbe qui pousse. On n'ose même pas imaginer l'état du cercueil. D'un seul coup, il y a la réalité qui revient, et il faut partir. D'ailleurs, on n'y reste pas, j'ai jamais regardé combien de temps on y restait, mais une demi-heure, je pense pas qu'on reste une heure. Voilà, d'un seul coup, la vie revient, on réentend les bruits derrière, il y a quelque chose qui nous sort de la bulle. On est happé par l'extérieur, peut-être il y a plus de gens qui vont, qui viennent. C'est pour ça que je pense que ça peut être des lieux en ville, même s'il y a beaucoup de bruit autour. C'est comme dans un cube, être dedans, complètement s'isoler, puis en ressortir et aller s'acheter les chaussures après. C'est un temps qui se pose. En fait, voilà. Elle explique, parce que j'essayais de comprendre un peu comment ce moment du recueillement il se crée, qu'est-ce qui fait que cette bulle prend et puis qu'elle explose après, etc. Voilà, du coup je trouve que cette référence à la bulle, ça pose plein de questions, justement par rapport à, parce que c'est aussi une question que je traitais dans la thèse de seuil, de comment on passe, qu'on a traité aussi dans Muse, avec Grégoire, on se demandait voilà, comment on passe d'une ambiance à une autre en fait. Et du coup on a essayé de regarder, voilà, s'il y a bien sûr le seuil matériel bien marqué qu'on passe, mais il y a aussi toutes sortes d'autres seuils qui sont temporels ou qui sont sensibles, le fait de passer une ligne d'ombre, des choses comme ça. Voilà, donc du coup, je me suis servi un petit peu de cet exemple pour essayer de comprendre qu'est-ce qui faisait que cette bulle arrivait à se créer là. Bon, déjà, il y a différentes choses qui sont de différents ordres. Elle, il se trouve que, voilà, c'est le rapport, parce qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui m'ont dit, bon, sur la tombe, moi, je ressens rien. Je pense que dans son cas, c'est le rapport au corps. Elle dit aussi qu'elle n'aurait pas pu, alors qu'elle était pour la crémation, elle n'y a pas pensé dans ce cas-là, parce qu'elle a besoin que le corps reste entier. Enfin, il y avait encore ce besoin de contact, même s'il est à travers le médium d'une tombe. Mais, donc, voilà, il y a cette question-là qui fait que, voilà, à l'endroit de la tombe, c'est la matérialité de cette communion, de cette famille qui réapparaît, donc qui aide aussi à la création de cette bulle. Et ensuite, y a plein de choses. Il y a le fait que, qui peut être le cas dans les cimetières, mais pas toujours, d'avoir quand même ce côté isolé, voilà, avec des enceintes, un éloignement de la ville qui fait qu'on est dans un contexte, voilà, séparé des choses. donc qui peut aider à trouver cette disposition d'un éventuel recueillement, quelque chose qu'on pourrait nommer comme ça. Donc ouais, cette distance qui correspond aussi à du temps, parce qu'on va marcher un certain temps avant d'arriver sur ce lieu. Voilà, puis après, il y a cet effet d'être ensemble et de passer un moment et du coup d'être dans... Bon, j'ai pas percé tous les mystères, hein, voilà, puis encore des choses, je pense que j'ai pas fini de travailler à partir de des exemples comme ça, mais en tout cas, c'était... Et du coup, à partir de cet exemple, rebondir un peu sur... sur plus ce que Peter Sloterdijk a pu apporter. Alors... Parce que, ouais, je sais plus comment rebondir. Parce qu'il y avait cette question, bien sûr, de l'intimité qui m'intéresse du coup à l'échelle urbaine, en lien avec les cimetières, mais finalement pas seulement. C'est plutôt l'idée de penser la cohabitation intime dans l'espace urbain partagé. Et je relisais là que... où j'ai lu d'ailleurs, que Sloterdijk qui parle d'une sorte de cohabitation intime qui reste pré-personnelle. Qu'en fait, l'intime, c'est pas seulement des liens très personnels, mais il y a une intimité qui se fait aussi dans l'espace public. Et il y a des liens intimes qui se font sans forcément qu'il y ait une connaissance intime de l'autre. Et c'est ces choses-là que j'aimerais... arriver à mieux comprendre pour voir aussi comment l'espace peut répondre à ces différents degrés d'intimité qui ne doivent pas être confondus avec le privé, l'espace privé, intime, non, il y a aussi de l'intime public. Et du coup, le lien avec... est-ce que la bulle, c'est une ambiance ou quoi, c'est, justement la question de la limite, enfin, comment ça nous permet de penser en termes non géométriques, non physiques, mais aussi d'atmosphère. C'est pareil, cette question des seuils, de comment on passe de l'une à l'autre, c'est complexe et je n'ai pas de réponse à ça, mais en tout cas, je trouve que y a une résonance vraiment forte entre ces pensées-là, quoi. Et du coup, cette idée de co-isolation, quoi, de vivre dans des sphères qui finalement s'appuient les unes sur les autres. Qu'est-ce que ces murs co-isolants, ces murs protecteurs qui nous protègent, mais en même temps qui par lesquels on est en contact avec l'autre. Ça m'intrigue aussi, j'avoue, j'ai pas de... Enfin, de savoir comment on peut... je trouve que l'image de l'écume, elle est vraiment fantastique pour ça. Et certainement que c'est ce qu'ils disent d'ailleurs. Il y a un article, je disais que j'espère qu'il y aura d'autres séances sur Sloterdijk pour qu'on puisse approfondir, parce qu'il y a des articles qui sont qu'en allemand, vraiment spécifiquement dans un journal d'architecture. Et ce qui est dit, c'est que souvent les architectes prennent un peu trop à la lettre des fois les concepts comme ça, et qu'on peut imaginer des architectures à partir de ces histoires de sphères. D'ailleurs, ça a été fait, il y a des architectures qui sont très proches de ça, et c'est pas forcément l'idée, mais en tout cas de faire le lien entre comment des espaces créent des atmosphères et ces atmosphères les unes contre les autres, qu'est-ce que ça donne, ces murs co-isolants, ça m'intrigue, mais j'ai pas de réponse. Et puis en gros, c'est juste plein de questions que ça soulève, je pense qu'il vaut mieux qu'on passe à la discussion, en gros. Thank you. intéressant et puis ça rejoint justement l'idée qu'on avait abordée tout à l'heure de la fragilité et la vulnérabilité même des sphères qui sont censées là, être là pour nous protéger en quelque sorte. Et c'était surtout intéressant ce que tu avais dit sur la réflexion sur comment est-ce que cette sphère se met en place et à quel moment elle disparaît, parce que la dame a parlé aussi du moment qu'on passe pour arriver à la cimetière. Est-ce que la sphère elle est là en train de se mettre progressivement ou bien ça se passe à partir du moment où on entre dans la cimetière, à partir du moment où elle voit la tombe de sa fille ou... Il y a plusieurs possibilités. Et puis il y a aussi une autre idée à laquelle j'ai réfléchi. C'est le fait que ça la dérange de voir quelqu'un d'autre venant visiter un proche. Donc quelque part, si on fait un plan de la cimetière, c'est quel est le niveau de proximité des différentes sphères intimes qui est permis. Et à ce moment-là, peut-être même au futur, la conception des cimetières elle va complètement changer. Il y aura peut-être des normes pour augmenter la distance. La distance qu'il faut laisser entre chaque temple pour permettre à la famille justement de se retrouver dans un moment comme le veut par exemple cette dame. Ou peut-être prendre rendez-vous. Peut-être que les gens ne se rencontrent pas parce que c'est à la limite un moment. Ouais. Après, on voit que selon les types de cimetières, les gens finalement s'adaptent parce qu'il y a des cimetières qui sont très denses où les tombes sont par exemple les unes sur les autres, comme en Europe du Sud. Et des fois, ils s'adaptent. En fait, peut-être qu'ils vont repasser un autre moment s'il y a quelqu'un qui est juste devant. Mais oui, ça pose cette question vraiment de la densité, en fait. Ouais, c'est ça. De la densité des bulles et de comment est-ce qu'on... Que les hommes créent des atmosphères qui s'oppressent mutuellement, en fait. Et donc, c'est cette question du trop proche ou trop... Ouais, c'est la question des distances et contacts que pose cette question du seuil. Et puis il y a quelque chose aussi, en fait je ne sais pas si. Parce que moi personnellement, je ne connais que nos cimetières, des cimetières des musulmans, les autres cimetières, je les ai vus que dans la télé ou je les vois de loin, mais je n'ai jamais visité. Mais je ne sais pas si toi tu avais essayé de visiter pour voir la différence, parce que nous, en fait, nous avons une ancienne habitude, je ne sais pas. Pas si c'est encore permis de mettre tous les membres de la famille. En fait, on achète une parcelle de la cimetière pour mettre tous les membres de la famille ensemble et même faire une clôture. Et selon ce que peut se permettre cette famille, la parcelle peut être plus ou moins grande. Donc, après, oui, ça devient aussi une question de moyens de s'occuper de cette sphère dont tu parles d'intimité. Oui, ça se fait aussi, les tombes familiales, tout ça, mais ça va être de moins en moins parce que. La logistique des cimetières veut que pour que les rotations soient plus simples, on permet de moins en moins d'acheter plusieurs tombes en avance. Mais il y en a qui le font. Puis j'ai eu un entretien avec une dame qui avait perdu une fille aussi jeune et qui a prévu pour sa sœur, qui a voulu acheter tout de suite 4 places pour... Mais en fait, les cimetières, ils n'aiment pas trop parce que ça fait des... Ils préfèrent avoir... des choses qui se remplissent au fur et à mesure, comme ça la rotation elle se fait aussi dans le même sens. Mais de toute façon tout ça c'est en train de changer énormément, parce qu'avec la crémation on n'a plus cette question d'espace, et il n'y a plus du tout les mêmes matérialités. Il y a des dispersions qui se font en dehors des cimetières, du coup c'est d'autres lieux aussi. Et puis il y a aussi le rôle du numérique qui deviennent, enfin les pages Facebook et des pages de cimetières virtuels qui deviennent aussi des lieux de recueillement. Donc ça aussi, ça n'a plus du tout les mêmes limites et les mêmes matérialités. Et c'est cette question-là que ça pose aussi, c'est le fait qu'on a, ça accentue encore cette atrophie du thanatotope, puisqu'on le voit plus, c'est dans l'espace privé, c'est dans les portables, il y a plus d'espace de partage, quoi. C'est ça qui est un petit peu peut-être problématique, enfin en tout cas, question qu'on peut se poser, ouais. C'est que les psy... Ces pages dont tu parles, Ça fait depuis les années 90 qu'il y a des cimetières virtuels qui existent, donc on peut. Souvent ils reprennent un peu l'image du cimetière et puis on peut mettre une tombe et venir y déposer des fleurs et si on clique on a le nom avec des données comme ça. Et maintenant il y a Facebook, les réseaux sociaux aussi, parce qu'ils se sont rendus compte qu'au bout d'un moment quand il y a des décès, les pages ça peut être un peu douloureux avec les rappels d'anniversaire, les machins comme ça. Du coup ils bloquent, ils proposent aux familles de figer les pages et d'en faire des pages mémoriales en fait. Donc les familles vont décider de quelles photos on laisse, de tout ça. Et ça devient figé, mais par contre, on peut toujours mettre des messages et tout ça. Et ça devient des vrais lieux de recueillement. Il y a des études qui se font sur ce type de pratique et c'est assez important. Ouais. Donc ça change encore complètement. Les cimetières augmentés, tu as accès à l'info numérique, mais après, sur le lieu. Voilà, après, il y a ça aussi beaucoup maintenant. C'est que les cimetières, l'espace physique est doublé d'un QR code ou d'une base numérique où on peut aller voir les données sur les personnes enterrées là, tout ça. Voilà. Du coup, voilà, c'est encore d'autres questions, mais et par rapport au moment, ouais, il faudrait faire une étude fine, mais je pense qu'il y a tellement de cas différents, puis même cette dame, selon les jours, selon son humeur, elle va avoir l'impression de rentrer dans cette bulle à différents moments, peut-être qu'il y a des fois ça marche pas non plus, enfin, j'imagine que c'est très complexe à étudier, il faudrait... Mais voilà. En tout cas... Tiens, elle est magnifique, hein. Un temps qui se pose, oui, c'est ça, c'est son expression là. Ouais. Très beau. Ouais. Mais du coup, moi je trouvais que c'était aussi une superbe exemplification, là, cet entretien, de ce que disait Jean-Paul tout à l'heure sur l'être humain comme designer. Parce qu'elle te raconte tout son art de faire, en quelque sorte, pour apprêter. L'espace à sa manière, de façon à ce qu'il devienne cette bulle. Et du coup, la question peut-être plus générale que je me pose par rapport à. C'est un peu là-dessus que tu as filmé, là, sur la question de l'architecture, au-delà du cimetière, et à partir de cette conception de l'être humain comme designer, est-ce que c'est pas aussi un appel à. Il y a une forme de démocratisation de l'architecture, c'est-à-dire que c'est pas, il n'y a pas que l'expert qui sachant. Bien sûr, parce que de toute façon, il le fait. C'est ce qu'on voit. Il y a des limites qui se créent sans qu'elles soient vraiment là. Enfin, c'est l'expérience des sphères, elle se fait sans architecte. Quoi. Donc, finalement, il doit être accompagné peut-être. Voilà, son expertise, elle a toujours un sens peut-être dans cet accompagnement-là, mais c'est vrai que... De favoriser en quelque sorte une espèce de la possibilité d'un pluralisme, qu'il y ait cette pluralité d'appropriation possible. Parce qu'effectivement, j'imagine que des entretiens, tu en as plein, et il y en a qui font leur sphère de telle manière, leur bulle de telle manière, d'autres qui la font autrement. Ouais, c'est ça, il y a absolument, c'est très... très... Mais c'est marrant parce qu'il... Donc le rôle de l'expert, ouais, c'est de favoriser cette potentialité de pluralité, en quelque sorte. Ouais, c'est ça. Il dit... je sais plus où c'est. Je crois que c'est dans cette interview aussi qu'il remet en cause même le fait d'utiliser le mot de société encore. Est-ce qu'on a affaire à des sociétés, mais est-ce qu'on n'est pas plutôt dans une pluralité de subcultures où il y a des centaines de milieux comme ça qui sont caractérisés par le fait qu'ils sont à la fois des centres du monde pour eux-mêmes et qu'ils n'existent pas quasiment pas pour les autres, quoi. Et du coup, il relève trois figures qui doivent être polyvalents et pouvoir connaître toutes ces subcultures, ce seraient les architectes, les romanciers et ceux qui parlent, les grave raiders, ceux qui vont faire les discours de mortuaires funèbres. Bon, en tout cas, c'est vrai que ouais, c'est du coup, enfin, ce serait une des qualités peut-être de l'architecte d'arriver à sauter de monde en monde, comprendre comment chacun veut se créer sa bulle et l'aider, l'accompagner dans son. Sa manière peut-être d'architecture et son monde. Est-ce que ça, c'est pas aussi un métier du... c'est un revival d'un métier du passé de l'architecte. Parce que les architectes consomment énormément d'espaces, non pas des cimetières antiques, mais de lieux pour chaque personne. Enfin, des monuments, des tombeaux, des... Je veux dire, les commandes pour les architectes, oui, cimetières, oui. C'était énorme. Oui, oui. Alors qu'aujourd'hui, c'est zéro. C'est des catalogues. Ils sont aussi des bâtiments sur des Siciliens. Oui, oui. Après, peut-être sous d'autres formes, parce que la question du monument, c'était l'âge un peu romantique. Enfin, peut-être qu'on peut y revenir, hein, mais je veux dire, il y a peut-être d'autres manières d'architecturer ces bulles-là. Oui, mais en tout cas, le fait de repersonnaliser, ça, c'est en cours déjà. Aujourd'hui, les tombes standards, elles sont en train de... Voilà. Ça se fait plus, ouais. Ouais. Enfin, ça se fait beaucoup, mais c'est remis en cause beaucoup. Donc, voilà. Moi, j'étais plutôt à l'opposer, en me disant que justement, de faire un truc suffisamment ouvert et pour que chacun puisse... C'est plutôt l'architecte minimaliste, quelque part. Oui, parce que il y a aussi beaucoup... Parce que c'est aussi la question que je traite dans ma thèse, c'est le fait que ce soit des espaces où on puisse agir, des espaces d'actes, quoi. C'est ce qui compte beaucoup, c'est de pouvoir soi-même gratter, soi-même venir déposer des choses. Et là, chacun a aussi sa manière de faire, les gestes qui vont avec. Pour elle, jardiner, ça marchait pas, de toute façon, ça pousse pas, c'est le problème des sols, des cimetières qui sont très pollués. Mais du coup, elle, ce qu'elle imaginait, c'était construire quelque chose et venir déposer des objets et des messages. Pour elle, c'est des gestes qui lui parlaient. Il y en a d'autres, c'était vraiment de venir planter des choses. Ils deviennent manifestes dans plein d'actions mémoriales, ces gestes. Mais avant, de façon plus minimaliste, l'architecte dans les tombes, je crois, on se met les endroits pour les fleurs, pour les plantes, les endroits qui étaient faits pour toucher, et donc par rapport au cimetière de la chaise, les endroits qui sont usés, au fait que c'est à tel endroit que c'est prévu de venir toucher, les endroits où on peut s'asseoir, les endroits qui sont des actions moins signifiantes quelque part que mettre un message, que faire remuer sa tête soi-même, mais qui sont quand même des actions. Parce qu'en fait, moi, au-delà de, je ne sais pas à quel point ce que tu nous as relaté, ce que tu nous as lu, est à même de remettre en question la conception des cimetières, mais je pense que ça illustre parfaitement l'idée qu'une atmosphère, qu'un lieu, justement, qu'une intériorité, est d'abord quelque chose d'extrêmement fragile et se met en place presque, je dirais, indépendamment de limites physiques. Et tu l'as dit très bien, que c'était vraiment le concept d'écume marchait très bien dans ce cas-là, parce que quand elle parle de la bulle qui se termine, qui s'arrête, de la réalité qui reprend finalement les configurations physiques, etc., elles sont c'est-à-dire que quand elle réémerge, quand elle redevient manifeste, elles annulent la bulle, même si rien n'a changé. Et donc, en fait, je trouve que presque, je ne sais pas à quel point on peut utiliser l'idée d'un thanatotope, mais je pense que ça illustre extrêmement la nature de l'atmosphère, la nature labile je sais pas dans quelle mesure évidemment c'est un entretien qui est qui touche et ne serait-ce que cette histoire de rapport au corps, alors on sait que le corps disparaît en fait, finit par ne plus être là. Mais pareil, c'est bien, chaque fois j'y vais. Je sais pas, mais finalement ça pose la question de l'invention d'un lien avec une absence. Mm-hmm. C'est presque un cas limite, tu vois. C'est ça qui est intéressant. C'est parce que finalement, si tu arrives à, je crois, si tu arrives à un peu plus expliciter, puisqu'on est dans l'explicitation, je pense que ça permet de comprendre la formation des bulles dans des cas plus... moins critique, on va dire. Mm-hmm. Voilà. Bien sûr, ouais. C'est ça qui me touche, qui mm-hmm. m'a beaucoup interpellée, au-delà du côté extrêmement touchant, on va dire. Voilà. Et donc je pense que c'est plus que le thanatotope que ça pose comme question. Je pense mm-hmm. que ça pose la question plus générale de la formation atmosphérique. Mm-hmm. Ouais, complètement. Il me semble que la bulle, elle émerge aussi d'une manière commune d'être ensemble. C'est-à-dire que c'est une famille qui va ensemble, qui va adopter une même manière d'être autour de cet espace. Mmh. C'est-à-dire que c'est moins une question spatiale que de. Une formation, quelque chose de partagé dans un espace réduit, évidemment, mais qui fait que. D'ailleurs, elle le dit à un moment donné, c'est quelqu'un qui passe, elle a fait éclater, quoi. Mm. Donc, il y a quelque chose qui se casse. Est-ce que peut-être qu'il y a justement un rythme, une manière d'être qui est beaucoup ouais. en décalage, quoi, avec c'est ça. Une sorte ouais. de collectif, de communauté qui s'est créé. Ouais, c'est pour ça que c'est pas une question d'échelle, puisque Fotodac parle aussi beaucoup du stade. Oui. Le fait que voilà, c'est une atmosphère énorme avec des milliers oui. de personnes, mais parce que tout le monde est dans la même disposition, oui. ça fonctionne comme une grosse bulle, quoi. Oui. Ouais. Oui. Ouais. Du coup, là, par exemple, si on avait fait l'exemple où tu as agrandi des cercles, des dimensions qui semblent plus présentes, il y a la dimension de l'hétérotope, c'est ça? Parce que l'utérotope, oui, parce que là c'est toute la famille qui est rassemblée dans le même but qui est de retrouver. Donc c'est présent aussi. Mais là aussi, je pense que la question, ça pose aussi la question du rituel, pas du rituel religieux, mais le fait par exemple de mettre de l'encens. Et de donner quelque chose qui fait que quand ça se termine, quelque chose s'est terminé. Donc il y a à la fois ce regroupement qui ne se trouve achevé qu'avec la présence de l'absent, mais dans son absence, et en même temps cette ritualisation qui, donc finalement, elle vient presque ça vient presque. Remplacer, on va dire, les limites qui pourraient être physiques. Je crois, hein, parce que... Oui, il y a vraiment la bulle spatio-temporelle. Ouais. Ça fonctionne aussi comme un temps. Si ça, oui. si ça explose, c'est que c'est aussi, elle dit, c'est toujours un peu pareil. 20, 30 minutes, 40, on peut pas rester, ça peut pas durer des heures non plus, quoi. C'est un espace-temps qui se pose et... C'est une question par rapport au temps. De quelle manière lui, il traite la question de boule en termes du temps? Parce que je n'ai pas vraiment... Justement, c'est ce qu'il dit aussi dans l'interview, c'est qu'il a laissé de côté le temps parce qu'il voulait appeler ça des design und Raum, l'être et l'espace. Mmh. Et puis finalement, il a trouvé que ce n'était pas le meilleur titre. Mais il laisse volontairement de côté le temps pour s'occuper de l'espace. avec des guerres à fées. Bah merci en tout cas pour la discussion. C'est... Il y a de quoi poursuivre encore. Mais après, j'avais une question un peu transversale de la manière dont toutes ces catégories-là analysent la situation et la manière dont l'ambiance. Parce que je trouve quand même qu'il y a. Enfin, je trouve que c'est assez. Les catégories sont quand même un peu générales. C'est-à-dire. Peut-être il manque, enfin, c'est le risque, peut-être le récit que tu as montré, une situation existante qui vient vraiment du bas, enfin, de la situation, de l'expérience vécue, et puis qui remonte pour faire une catégorie. Mais il me semble que la manière dont il parle, ça reste quand même assez général. Enfin, c'est pour ça qu'on a intérêt, je pense, à parler des textes, là, comme ça on est sur du. Ah oui. Peut-être plus sur du concret, enfin non, pas du concret, je suis là, mais au moins on peut partager. En tout cas, pour répondre à ta question, il est clair que les bulles, telles qu'elles sont, elles correspondent plutôt à un niveau topologique, c'est-à-dire elles sont là ou pas là, mais elles ne. Oui, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, ça arrive, voilà, il faut remplir les terroirs. C'est comme ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que dans cet ouvrage, c'est une formalisation, mais avant ça, et ce qui est caché, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites, et il a cherché, il y a beaucoup de, comme par exemple, toi ce que tu as dit, il a fait beaucoup d'enquêtes, mais c'est pas, on ne retrouve pas ça dans l'ouvrage, mais on trouve la formalisation, de, c'est comme si c'était le résultat théorique de tout ça. C'est ce que j'ai cru comprendre tout à l'heure. Oui, je ne sais pas exactement. Je ne sais pas s'il est parti à partir de récits, de ressentis comme ça. Mais c'est vrai que ça a besoin de récits. Comme oui. L'a dit Nicolas, et comme tu l'as bien montré. Mais en fait, j'ai toujours utilisé parce que j'ai l'impression que la manière germanophone de penser l'architecture et l'espace, ça ressemble beaucoup aux anglophones pour lesquels il y a une certaine généralité. Et c'est ça qui est vraiment magnifique par rapport à l'ambiance, à la pensée enfin, sur l'institut, sur l'expérience qui en fait à l'envers à peu près. Donc on remonte. On remonte, il y a un croisement entre la généralité et et ce qui se passe dans les situations. Mais en fait, même pour les anglophones, quand ils parlent par exemple des place attachment, des choses comme ça, c'est vraiment très très général. C'est un peu les géographes qui parlent de oui. Ça. Ouais, je sais et pas. Qui touche de l'ambiance. Moi, je connais plutôt le milieu de l'architecture et je trouve que les Allemands sont au contraire assez. Ils passent beaucoup par l'ingénierie, ils sont très rationnels aussi. Et Sloterdijk, ils n'en parlent pas beaucoup dans les écoles d'archi, hein, mais bon, pas encore. Donc, c'est vrai que ça dépend si c'est une filière de géographie, filière universitaire, que je ne connais pas trop en Allemagne. Mais... Non, mais... Comment tu voyais la discussion pour avoir... J'ai pas prévu une façon bien particulière pour commencer la discussion, mais par contre, si tu veux parler de... Parce que c'était ça l'article sur l'atmosphère politique dont tu voulais parler au début. Ouais, c'est ça, c'est un texte moi que j'avais lu il y a quelques années et que j'ai pris plaisir à relire là et j'ai trouvé qu'il résonnait beaucoup. Alors je voulais donner hier, c'est pas très, pas très smart. C'est... je sais pas si vous avez eu le temps d'y jeter un coup d'œil, mais il me semble comme quelque chose de complémentaire avec l'autre texte. Parce que, pour le dire à gros traits, je crois qu'on est... On est d'un côté du côté de l'espace privé, privatif, et de l'autre côté, du côté de l'espace public, même si... Et moi, du coup, ça pourrait être une de mes objections à cette pensée qui me semble... et assez fondamentalement dualiste, en tout cas, dans la manière de découper le réel, et notamment sur la question de la démocratie. C'est ce qu'il dit... à la fin du texte, quoi... qui aurait un effet tel despote et puis démocrate, quoi. Hein, et le despote est dans l'espace privé et démocrate dans l'espace public. Si on prend une conception de la démocratie comme celle de John Dewey, que j'avais fait, on avait discuté le texte il y a quelques années là, dans le séminaire Ambiance politique, c'est bon fort, c'est la démocratie commence à la maison. Parce qu'elle s'incarne dans les gestes plus quotidiens, notamment dans les manières de converser, etc. Donc là, ouais, il y a un aspect un peu dualiste qui m'embête, moi. Mais pour autant, il y a plein de développements. Assez intéressant, et pour rebondir aussi sur ce que Jean-Paul disait sur la question du sonore, il place la capacité d'écoute comme une capacité essentielle au développement de la démocratie, et là il me semble qu'on rejoint notamment peut-être une autre ensemble de théories qu'on a, il me semble, jamais trop discuté au Cresson, qui sont les théories du CAIR, qui placent également la question de la capacité à écouter au centre de la relation à l'autre, et que je trouve... assez intéressante aussi. Voilà, mais je sais pas si vous avez eu le temps d'y jeter un coup d'œil. Si je suis seul à avoir lu, c'est peut-être pas très intéressant de discuter de ce texte et se contenter de l'autre. Je sais pas. Peut-être se concentrer sur l'autre. J'ai pas eu le temps de... Ah, tu fais moche. Sinon, on va parler de l'autre texte. Ouais, je pense. Hein. Moi, personnellement aussi, j'avais un problème d'internet pendant la journée. C'est sûr. Mais je vous conseille quand même, si vous avez un peu de temps. Intéressant ce texte. Mais on y retrouve des thèmes lancinants, hein, la question de se baigner là, hein, elle est aussi très présente là, puisqu'il est... Bon, je vais le dire en deux secondes, il invente un, un bouquin d'Aristote qu'on aurait déterré, que des archéologues auraient retrouvé, qui serait un dialogue entre Dédale et je ne sais plus qui, donc comme par hasard un architecte, hein, Dédale. Et je ne sais plus qui dialogue, ouais, c'est pas très grave. Et donc ce texte sur la question de la politique et de la construction de l'espace politique, hein, en gros, mettrait notamment comme condition de développement de la démocratie d'instituer des rituels. Des rituels, et un de ces rituels serait une fois par an, ou deux fois par an, je crois, à l'automne ou au printemps, d'aller se baigner tous ensemble dans la même eau pour avoir ce sentiment de. Dans la fontaine, dans une fontaine, tous ensemble. Pour créer des liens entre. Oui, voilà. Une immersion collective, en quelque sorte. Immersion collective. Mais d'ailleurs, dans le deuxième article, quand il parle de l'histoire, il la définit comme un dispositif permettant une immersion collective avec d'autres compagnons. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Ouais, c'est exactement la même thématique. Ouais. Bah oui, c'est ça, mais ouais, c'est ça, il faut y aller. Donc il parle beaucoup de cette notion de totalitarisme de l'architecture. Il la considère comme un système qui repose sur la confiscation du pouvoir et l'imposition d'une idée autorisant aucune objection. Ça veut dire qu'il appuie le fait que l'architecte, réellement, il est en train de concevoir, pas que l'architecte, mais quand tu parles d'architecture, par exemple, il dit qu'en construisant une maison, c'est la forme basique de la technologie de l'immersion. Donc les architectes, les designers, toutes les personnes qui interviennent sur notre environnement, ou l'environnement bâti dans lequel nous vivons, vivant toutes nos expériences, réellement, ils sont en train de faire comme s'ils concevaient des espaces pour soi. Ils choisissent l'effet qui sera produit par cet espace-là, et ils choisissent à la place des autres, en quelque sorte. Donc aussi ce que je trouve, c'est un petit clin d'œil pour l'UMRAAU, puisque notre prochain séminaire collectif concerne l'immersion, et il fait quand même le lien, il me semble, entre l'immersion de la réalité virtuelle de nos collègues informaticiens du créneau et l'immersion peut-être pas sens humaine, là, enfin pas au sens ethnographique, quoi. Là, je l'ai moins ressenti, mais au moins du côté architectural. Ça fait au moins dialoguer ces deux dimensions. C'est partie des choses qu'on pourrait mettre en partage. Oui, il y a quelque chose que j'ai souligné, mais je ne saurais pas trop le commenter. Because the building of a house is considered a problem of love, at least indirectly, subtly, architecture's totalitarianism is a totalitarianism of love, of the love of space. C'est où ça? C'est quoi le petit? C'est la deuxième page, suite à une deuxième page. Un problème de l'amour. Et. puis un autre moment, je ne sais plus, il parle du sens de l'extase plutôt que du sens du contenant, enfin, comme si il y avait quelque chose qui était de l'ordre de, enfin, de relations plutôt d'extase, de comment dire, de quelque chose qui se propage par l'extase ou par la que par contenant, enfin, je comprends pas trop, mais en fait, j'ai souligné. Je crois qu'il a utilisé un terme, quand je l'ai traduit, c'était la topophilie, c'est l'amour du lieu ou le fort sentiment d'appartenance à ce lieu qui est dans l'architecture. Il dit que l'architecture, elle articule cette notion. Peut-être c'est ça. Ouais, c'est l'amour du lieu. Non, mais pour l'extase, je pense que c'est la question de l'ouverture au monde qui est. Cher à Heidegger, déjà, qui dit et reprend. Sinon, si j'ai bien compris, ce que moi je comprends un peu à la Google des textes en anglais, de façon bête et méchante, sans aucune subtilité, c'est que le choix même de Phèdre pour dialoguer avec Socrate à propos de l'architecture, serait un choix qui n'est pas un choix anodin, dans la mesure où Phèdre et Socrate auraient eu une histoire d'amour malheureuse de leur vivant, puisque le Paminos, c'est la rencontre de Phèdre et de Socrate dans le jardin élyséen, et que donc s'il parle d'architecture, c'est dans la mesure où l'architecture est aussi une histoire d'amour. Et je crois que la question de l'ouverture au monde, c'est dans la page d'après. Est-ce que c'est là Humans are in the world ecstatic. Être ici, d'ailleurs, c'est ce que dit tout à l'heure, c'est ce que disait Jean-Paul, être ici, c'est être là et ailleurs. Là existe dans ce qu'il dit ça. Juste après, en même temps là. Et there and here at once. Enfin moi, je pense que c'est un thème qui est récurrent, le thème de l'immersion chez Stéphane. Il y a trois, à mon avis, hein, trois éléments qui lui permettent de penser l'immersion, trois éléments presque techniques. C'est justement l'immersion numérique, l'immersion dans les œuvres d'art, et puis justement la capsule dans laquelle on est complètement enfermé. Mais comme tu l'as dit tout à l'heure, quand il fait je pense que ça reprend un peu ce qu'il disait, c'est que quand on habite dans un endroit, on est plus qu'immergé, on est encastré dans un endroit. D'ailleurs, il reprend dans Écume une œuvre d'un artiste russe qui a dessiné, reconstruit des toilettes qui étaient des toilettes de son école d'architecture. Dans laquelle sa mère avait choisi de devenir femme de ménage pour pouvoir être près de son fils, et elle s'est occupée en tant qu'habitation les locaux des toilettes désaffectées, justement pour y habiter. Donc il avait reconstitué cet endroit pour dire. Pour dire comment, quand les gens rentraient dans la visite, quand les gens rentraient dans cet espace, il n'y avait rien. Mais il mesurait à quel point les autres étaient immergés dans cet espace qui devenait leur un lieu auquel ils étaient habitués. Et à partir de là, il développe justement idée que vivre, et c'est ce qu'on retrouve aussi ici, que vivre, c'est vivre dans l'œuvre d'un autre. Presque, je dirais, la qualité de vie, on va dire, consisterait à mesurer dans quelle mesure on est immergé dans un espace dans lequel on a quand même la possibilité de choisir ce qu'on veut, dans quelle mesure on n'est pas immergé dans entièrement dans l'œuvre de l'autre. Donc bon, moi ça m'a rappelé un petit peu des choses à propos de cette œuvre. Moi j'avais lu un autre article justement qui parlait de cette œuvre. J'avais compris autre chose. Je pensais que c'était, il avait reconstitué ses toilettes de l'extérieur, ça paraît comme des toilettes, mais les personnes au début ne savaient pas qu'ils visitaient une œuvre d'art. Et il pensait qu'il entrait dans une toilette et là il découvre une table et il y avait une installation pour montrer que c'est l'espace privé de quelqu'un. Il y avait des choses sur la table, un plat peut-être. Et ce qu'il observait, c'était comment les gens, ils se sentent mal à l'aise, ils sentent qu'ils ont fait une intrusion dans l'espace privé de quelqu'un d'autre. Oui, mais parce que c'était réellement un lieu d'habitation. Il est un peu ironique parce qu'il dit l'installation s'appelle toilette. Les gens, ils s'attendent à voir quelque chose, un truc critique, ou... et puis rien. Oui, voilà, c'est dans la plus grande banalité des toilettes avec une salle à manger dedans, enfin quelque chose qui ressemblerait à une salle à manger, un lit, etc. Donc c'était plutôt des personnes qui savaient que c'était une œuvre d'art. Je pensais que c'était installé comme ça sans dire que... c'est une exposition. Je pense que c'était une façon de les centrer. Parce que ce que je lis dans l'article, c'est quand même la thématique de la possession. C'est-à-dire qu'on a mis des lieux, des architectures, qui nous possèdent. Donc ça vient de loin, ça vient des lieux grecs, etc. Et donc, les architectes fabriquent des lieux qui vont être des lieux de possession pour les habitants. Alors posséder, c'est quoi? C'est former des habitudes, s'installer dans des habitudes, etc. Il me semble que ce qui questionne, c'est de se dire, et il y a une topophilie en même temps, c'est-à-dire qu'on aime être pris dans des lieux qui nous possèdent. Je pense que la question qui se pose, c'est jusqu'à quel point est-ce qu'on accepte d'être possédé par les lieux qu'on habite, ou on en a besoin d'autres, ou etc. Et jusqu'à quel point il y a une responsabilité de l'architecte, justement, de construire en fait, ces lieux de possession. Mais d'où l'immersion, c'est ça, c'est-à-dire qu'effectivement, on est plus que dans l'immersion. Cette immersion-là, elle va jusqu'à nous posséder, c'est-à-dire elle va jusqu'à nous faire être ce qu'on est, et qu'il y a aussi un amour à être dans un espace ou un lieu qui nous forme, à nos dépens, d'une certaine manière. Et je trouve que ça, c'est intéressant parce que c'est une façon de montrer à la fois la responsabilité de l'architecte parce que c'est, bon, il a l'idée d'un pouvoir énorme à immerger des habitants dans des espaces, donc à les former des habitudes, à former des corps, à former des habitudes, etc. Et en même temps, il y a une responsabilité de l'habitant à accepter d'être pris dans quelque chose qui les dépasse. C'est-à-dire que c'est pas seulement être immergé, c'est aussi accepter qu'on va être transformé par le lieu dans lequel on se trouve, que ce soit un appartement que nous-mêmes nous aménageons ou quelque chose qu'on laisse à un architecte qui va produire quelque chose pour nous. Mais c'est le fait d'accepter à un moment donné le fait que où qu'on soit, on est immergé et on n'est pas seulement immergé, mais on va devenir le lieu qu'on habite. D'une certaine manière, et qu'on va aimer ça. Et c'est pour ça qu'il y a la dernière phrase aussi que je trouve très, très intéressante. Quoi. La dernière phrase qui dit tu vas, voilà. Le désir de s'en libérer. Quoi. Je pense que c'est ça. Enfin, je trouve que c'est une. qui me fait penser à un exemple, c'est peut-être au sujet de moi qui travaille sur des espaces de commerce, parce que j'ai vu une dame parler une fois, c'était parmi les premières personnes qui se sont intéressées à la collecte de données informatiques sur les usagers pour savoir leurs préférences dans ce qu'ils achètent et pour voir sur Internet leur proposer la pub selon leurs préférences. Quand elle parlait de ça et de comment elle a commencé à réfléchir à ça, elle a dit qu'elle a remarqué que les personnes, d'un côté, ils n'aiment pas que maintenant ils subissent beaucoup de publicité et il y a tout le temps des gens qui essayent de tout faire, les personnes qui font du marketing, mais en même temps, ils sont embêtés et gênés quand on leur propose quelque chose qui ne correspond pas à leurs préférences ou à leurs attentes. Donc c'est toujours ça, ils oscillent entre les deux. Mais dans ce que tu dis, Jean-Paul, est-ce que tu penses que c'est le mot immergé, l'immersion, qui correspond à ça? Ou est-ce que c'est la réflexion sur l'immersion qui amène? Est-ce que dans cette double possession, est-ce que ce qui se joue, c'est de l'immersion? Je ne sais pas. Ben, au sens où on n'a pas de distance par rapport au milieu dans lequel on se trouve, d'où l'installation justement qui opère cette distance, qui opère un pas de côté en disant « Regardez, vous êtes immergé, qu'est-ce qui se passe quand on est immergé ?» Mais quand on est immergé, on est dedans, et donc la possession, on est possédé, donc on ne le sait même pas. En français, il y a un truc qui me plaît bien, c'est la question de la prise. Parce qu'à la fois, tu as l'emprise, et puis la déprise. Ça te permet de décliner de plusieurs manières. Ouais. Et ça permet de penser les passages aussi. C'est ça qui m'intéresse. Ouais. Quoi, l'emprise, la déprise? La déprise, j'ai jamais entendu. Si, se déprendre de quelque chose. C'est, tu vois, ça va être le détacher. Déprendre, oui, mais déprise. Ouais. T'arrives à ressortir de ton immersion. Souvent pour en aller dans une autre. Excusez-moi, il faut chier. Mais sinon, ici, dans la dernière fois dont tu parles, Jean-Paul, il y a quelque chose qui, je ne sais pas si tu te souviens, chez Peter Kozendal, il parle toujours de la connected isolation. C'est-à-dire que, et ça, c'est le concept qui est le plus, qui rend le plus compte de l'être au monde. C'est qu'on a toujours besoin à la fois d'être isolé et connecté. Et cette opposition, on la retrouve ici. On a toujours aussi besoin d'être enveloppé et libre. Ouais, ouais. Et c'est toujours cette tension entre la sécurité et l'ouverture au monde. Tu sais, on est complètement enfermé et on finit par... pas dans le sens anthropologique. Je ne sais pas si c'est la même chose, mais je pense beaucoup à ce que dit Bruno Quesada, un ancien philosophe ici. Quand il relit Walter Benjamin sur la question du passage d'un espace à un autre, etc. Et il prend comme exemple les maisons de retraite, où il dit que les maisons de retraite, on les fait de façon à ce que les gens soient le plus confortables possible et que quelque part, ils ne puissent rien advenir qui malmène la vie quotidienne. Et donc lui, il renverse ça en disant, mais voilà, on fait quelque chose qui les tue. Qui les endort, qui les endort. Alors il dit l'architecture devrait faire l'inverse, elle devrait réveiller, elle ne devrait pas endormir. Il n'y a rien de pire que d'endormir quelqu'un qui n'est pas loin de mourir. Et donc il cite deux, trois exemples de maisons de retraite au Japon, où par exemple les interrupteurs dans les pièces sont jamais aux mêmes hauteurs. Quand tu vas allumer, ou que les endroits sont difficiles d'accès, ou etc. Donc c'est encore un peu différent, mais je trouve intéressant dans la mise à distance, quand un particulièrement dans mon quotidien, ma distance d'une, enfin, ma crainte cette distance, ouais. C'est ce que j'ai compris avec la posture artistique. Là, ce serait une posture plus, je ne sais pas comment dire, maligne. Mais je trouve assez intéressant. C'est-à-dire que moi, l'architecture doit quelque part produire de l'attention pour ne pas nous endormir. Et je crois, finalement, dans le cadre des maisons de retraite, où les gens sont d'une part isolés et d'autre part ils n'ont pas la possibilité de s'ouvrir à l'extérieur, c'est-à-dire au changement. Du coup, c'est une façon d'intérioriser le changement, d'intérioriser la surprise, le changement, etc. Je pense que c'est quelque chose que, quand on a la capacité de sortir, on ne va pas s'amuser à créer des petites choses comme ça à l'intérieur d'une maison, entre guillemets, pour personne normale. L'événement est dehors. Alors que là, c'est marrant parce qu'on crée l'événement, justement, la rupture de l'habitude qui est le propre du logement, à l'intérieur d'un endroit qui est lui-même fermé. Donc, dans cet endroit fermé, on va créer des choses qui auraient pu appartenir à l'extérieur, c'est-à-dire cette chose qui change. En fait, lui, bon, il ramène ça à l'inquiétante familiarité, quoi. L'interrupteur, c'est familier, mais il se voit légèrement là, c'est inquiétant. Mais au bout d'un certain temps, ils vont s'habituer avec chacun. Oui, c'est parce que tu as été réveillé pour vivre longtemps. C'est super, hein. Enfin, je sais pas comment on pourra faire pour trouver des morceaux de ça, mais c'est bizarre aujourd'hui. Merci à Pascaline, Nicolas, merci. Puis à suivre peut-être. Ouais.